Chapitre 7e, Dents de perles. Le vol constaté, aussitôt les chefs du Crédit Marseillais envoyèrent prévenir la sûreté. M. Baumier téléphona à Paulin Broquet, qui l'écoute avec intérêt, le récit de l'événement que faisaient Pascal et Louis, tous deux absolument navrés. « Bien imaginé, dit-il enfin, bien organisé, parfaitement réglé et admirablement exécuté. Je reconnais la facture, je vois la main. Zigomard, fit-on. Oui. Il avait besoin d'argent. Vous lui avez donné 100 000 francs, le voilà à flot. » Paulin Broquet donna alors quelques explications. Le coup, naturellement, était préparé depuis longtemps. L'occasion seule a fait défaut, ou une circonstance quelconque en a retardé l'exécution. Ce M. Smithson, qui en temps ordinaire s'appelait Tom Twig, recevait Pascal, l'étudiait, se faisait en même temps connaître par lui, lui inspirait confiance, d'autant plus qu'il y avait ce jour-là Louis, estimait le poids, constatait le volume de la sacoche et disposait celle qui devait remplacer la vraie. Cette sacoche fut alors apportée au compère, au gentleman qui attendait dans l'auto, là-bas près de la palissade municipale. Ce bon M. Smithson lança son groom, qui est un jeune chenapan, probablement un premier prix du conservatoire des pickpockets de Londres ou de New York, car Tom Twig choisit sa troupe, et ce gaillard-là est habile. Il était digne de ce qu'on des zigomards qui se tenaient dans l'auto. Les premiers badauds n'étaient autres que des aides, qui manœuvrèrent fort bien, empêchèrent les bons passants parisiens d'intervenir, écartèrent Louis, relevèrent Pascal et le maintinrent durant les quelques secondes nécessaires au maître pour changer la sacoche. Le reste va de soi. Maintenant, M. Smithson n'existe plus. Le groom anglais roule en bécane, devenu un jeune touriste français, et le gentleman de l'auto, dont le bon agent a consciencieusement pris les noms et adresses, n'est plus qu'un mythe. Paulin Broquet ajouta « Enfin !» Ce soir, dans leur nouvelle barbotière, les aides pourront avec raison applaudir et féliciter leur maître Zigomard. Dans son atelier, en haut de la butte sacrée de Montmartre, un peintre qui se disait roumain recevait ce soir-là quelques amis pour fêter une commande officielle quelconque de son gouvernement. Il y avait là une vingtaine de personnes réunies dans l'atelier, depuis peu de temps d'ailleurs occupées par cet artiste de la palette. Comme nous l'avons déjà vu ailleurs, dans le fond de l'atelier, Zigomard se tenait avec son appareil habituel. Il prit comme toujours la parole, cette fois pour se féliciter, annoncer une distribution de dividendes et promettre prochainement un arrosage doré, une inondation du pactole. La troupe des aides était bien restreinte maintenant. On y comptait des défections. Paulin Broquet avait pratiqué quelques brèches, et l'aventure de la péniche avait fortement éclairci les rangs des bandits. Mais les nouveaux venus ou ceux qui restaient de l'ancienne bande avaient été sélectionnés soigneusement par le conseil. C'étaient des hommes à toute épreuve, sur lesquels Zigomard pouvait compter pour de nouvelles entreprises. Tom Twig, lui, avait apporté un esprit nouveau dans l'association. Zigomard penchait vers les opérations plus longues, peut-être, mais plus fortes, tandis que Tom Twig, avec son tempérament américain, voulait arriver aux résultats immédiats et affectionnait les coups d'audace. Nous venons de voir que cette façon de faire avait donné de bons résultats. Après la séance, Tom Twig et Zigomard se retrouvèrent chez le professeur Faust Lawlor, American Surgeon Dentist, qui depuis quelques semaines faisait une réclame américaine pour le nouveau cabinet dentaire qu'il venait d'installer rue Tronchet. Le Gaulois avait l'alouette comme emblème national. Le Français, fils du Gaulois, a gardé de l'alouette ancestrale l'amour pour tout ce qui brille, et le Parisien étant de l'espèce de Français se jette plus volontiers encore sur le premier miroir à facettes que l'on fera scintiller à ses yeux. Les réclames fantastiques du Sir John Thorsdrawler faisaient s'emplir les salons d'opération du dentiste américain. D'ailleurs, son institut était parfaitement monté, et des soins qu'on y donnait, les clients se déclaraient absolument satisfaits. Les promesses n'étaient pas trop de dentistes. Très modestement, Thorsdrawler se déclarait le premier dentiste du monde et affirmait qu'il avait toute la clientèle millionnaire d'Amérique. Les mâchoires de la 5e avenue lui appartenaient. Paris le croyait, et s'il ne s'agissait que de dents, je dirais que l'on mordait à l'annonce. Parmi les jolies clientes qui lui arrivèrent en premier, se trouva une jeune danseuse de l'opéra, Francine, qui avait des jambes ravissantes, mais dont malheureusement le sourire montrait des dents ne rappelant même pas de loin les perles merveilleuses de son collier. Or, une danseuse sans sourire est en deuil. Bien des dentistes s'étaient occupés de Francine. Elle disait d'eux « Ils m'ont tous fait mal et rien de bien ». Et elle se désolait. Une camarade de ballet l'engagea à aller voir le surgeon américain. Francine s'y rendit, quoique avec méfiance. Mais elle sortit de l'institut ravie. Pour la première fois, elle n'avait pas souffert. Le célèbre dentiste lui avait appliqué sa méthode « sleeping cure », la guérison qui vient en dormant. Elle ne souffrit aucunement et se réveilla avec des attraits nouveaux, charmants, à son sourire. Francine était ravie. Le prix qu'allait lui demander l'American Surgeon lui importait peu. Elle pouvait payer, ayant pour seigneur et maître le banquier Jarnos, qui eut lui aussi habité dans la 5e avenue. Elle fut au demeurant charmée, quand, très gracieusement, l'illustre praticien la pria d'accepter ses soins pour le seul plaisir de l'avoir soignée. Mais il lui glissa dans l'oreille qu'il serait très heureux de compter parmi ses clients le banquier Jarnos, dont la mâchoire était notoirement en fâcheux état. Francine n'osa pas s'engager à amener chez le dentiste son seigneur et maître, qui négligeait fort sa personne. L'avarice connue du millionnaire devait lui faire regarder l'achat du râtelier comme dépense exorbitante. Néanmoins, Francine s'employa si bien et plaida si adroitement à la cause du dentiste américain que Jarnos, espérant sans doute être soigné, comme sa maîtresse, gratis, pour la réclame, se laissa convaincre. Il consentit à faire un essai. Comme Francine, il se déclara enchanté dès la première séance. Maintenant, il se riait du terrible Davier qu'autrefois il redoutait affreusement. Le traitement devait être assez long, mais Jarnos, sans ennui, revint plusieurs jours de suite chez le dentiste. Partout, il proclamait cette nouvelle méthode du sleeping cure absolument merveilleuse. Son inventeur, ce dentiste, était un génie. Ce sleeping cure ne consistait pas à endormir tout à fait le patient. Cela était à la portée de n'importe qui. Mais à endormir la douleur. Et, cela était curieux, non seulement à chasser l'appréhension de la douleur, plus pénible que la souffrance même, mais encore à rendre agréable, oui, très agréable, le moment où le dentiste pratiquait son opération, travaillait la mâchoire. « C'est étonnant, en effet, » déclarait Jarnos. « Je m'assieds dans le fauteuil. Les opérateurs me mettent un cornet sur le nez. Au bout de quelques secondes, ça y est, il s'opère en moi un changement radical. J'entends un orchestre délicieux. Je vois papillonner autour de moi un corps de ballet féerique. Les danseuses, d'une beauté idéale, dansent pour moi. » Me lancent leurs plus captivantes œillades, font pour moi leurs plus affolantes chats. Ou bien je suis à table, je mange des choses exquises, je bois des vins, oh mes amis, quel vin! Et tous les convives sont d'une gaieté folle. Nous avons tous un esprit du diable. Je ris à me rendre malade. D'autres fois, je traite des affaires colossales qui réussissent comme à plaisir. Je gagne un argent fou, et c'est en riant encore que je signe les reçus des sommes qu'on me verse. Le banquier Jarnos affirmait: je vous dis, mes amis, que c'est extraordinaire et que l'heure que je passe chez le surgeon américain est une heure d'enchantement. Oui, mais le banquier Jarnos déchanta un beau matin quand il reçut un ami d'une maison de banque de Londres lui disant que l'on venait de payer à vue, sur présentation d'un chèque portant sa signature, quelques 100 000 francs et que son dépôt était désormais épuisé. Le millionnaire tressaillit, ne comprit pas, il télégraphia, on lui confirma la lettre. Il cria que c'était un faux, demanda communication du chèque, et il demeura assommé quand il dut reconnaître que sa signature était bien vraie. C'est lui qui avait signé ce chèque, dont il retrouva d'ailleurs le talon dans un carnet de chèque. Et en feuilletant ce carnet de chèque, il vit que plusieurs talons portaient des sommes importantes. Il avait signé ainsi des chèques pour plus de 2 millions, et il ne parvenait pas à remettre en sa mémoire à qui il avait délivré ces chèques, à quelle occasion, pour quelles opérations et à quel moment. Devant lui, dans ses doigts fébriles, il voyait la preuve évidente qu'il avait payé ses sommes. Il ne savait pas comment, pourquoi, à qui. Sa mémoire avait un trou, il ne se souvenait plus. Cependant, l'homme d'affaires, après ce premier moment d'affolement bien compréhensible, se ressaisit, comprit qu'il avait été victime d'une escroquerie magistrale. Aussitôt, il voulut autant que possible en parer le coup. Il télégraphia aux banques européennes, américaines, avec qui il était en affaires, de ne rien payer à son nom. Mais de divers côtés, on lui répondit que les versements avaient été opérés. Les banques d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Belgique avaient payé directement. Les banques américaines avaient versé par le canal de leurs correspondants européens. Le coup avait été admirablement exécuté. Jarnos en pleura de rage et de dépit. « Volé, on m'a volé, moi, Jarnos. On m'a volé comme un simple actionnaire, comme un bon commanditaire, comme un gogo, un bourgeois bas de laine, moi, Jarnos. » Il avait autant de dépit que de douleur dans son aventure. Furieux, il alla porter plainte au parquet. Le cas était intéressant. on le mit entre les mains du plus habile des détectives, de Paulin Broquet. Paulin Broquet écouta ses doléances, ses lamentations, puis souriant, il lui demanda « Avez-vous parlé de l'aventure à vos amis ?»« Non, je m'en garderai bien. Tout le monde se moquerait de moi. Bien. » Dans ce cas, n'en parlez encore à personne jusqu'à nouvel ordre. Que faut-il faire ? Allez comme d'habitude vous faire soigner les dents. Chez l'Américain, naturellement, mais là, surtout, ne dites rien. Oh, je ne peux rien dire, ils me tiennent la mâchoire. Parfait, allez. Silence et sleeping cure. Le reste me regarde. »